pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Des mères ont tant souffert et d'autres se gambergent et vivent à leur aise malgré la boue de sang. Il y a des prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leur femme et tout leur cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai par les chemins. Je vagabonderai sur la terre et sur l'onde, du vieux au nouveau monde, et je dirai aux gens, profitez de la vie. Éloignez la misère, vous êtes tous des frères, pauvres de tous les pays. S'il faut verser le sang, allez verser le vôtre, messieurs les bons apôtres, messieurs qu'on nomme grands. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, la plus libre des radios. Et vous écoutez donc l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste. Donc certains d'entre vous connaissent bien cette émission de l'Union Pacifiste tous les vendredis. Nous avons Pedro La Technique, hein, notre... technicien hors pair, toujours présent et capable de nous trouver de bonnes musiques en liaison avec avec nos sujets. Aujourd'hui, donc, c'est Maurice qui anime cette émission. Nous avons des invités. Notamment Hugo, que vous avez déjà entendu une fois, et puis d'autres amis, alors qu'ils vont nous parler des insoumis et des déserteurs portugais pendant la guerre d'Angola, au moment de la colonisation. Alors ce sont des amis qui font partie l'association des exilés, hein, les Portugais exilés en France, et puis aussi de l'association Mémoire Vive. Alors là, heureusement qu'il y a des anciens qui font revivre un peu cette histoire, hein, qui expliquent, et notamment l'un d'entre eux vient d'écrire un livre, hein, on va en parler tout à l'heure, pour que l'histoire de ces réfractaires, que nous apprécions beaucoup, bien sûr, à l'Union Pacifiste, puisse demeurer et être connu un peu des autres. Est-ce que, plutôt Hugo, tu pourras nous présenter ces invités que je connais un peu, mais pas bien personnellement? Oui, bonsoir. En fait, l'idée déjà, je remercie Maurice de nous avoir invités ici. L'idée, c'est qu'un livre n'a pas été écrit par juste Fernando, mais a été en fait édité par un groupe d'anciens déserteurs et exilés politiques, c'est-à-dire majoritairement des gens qui ont appuyé la désertion, soit à partir du Portugal, soit à partir de la France. Et du coup, cette collection de témoignages autoproduites est quelque chose d'inédit. Et nous, à l'association Mémoire Vive, Mori Vive, déjà, il y a certains de nos membres qui font partie de ces témoins. Et d'autre part, il nous paraissait important de soutenir cette initiative. Aujourd'hui, on a... deux personnes qui témoignent dans ce livre, donc Vašk Mertinš, qui fait aussi partie de l'association Morée Vive, que vous avez déjà entendu dans la dernière émission où notre association avait été invitée par vous. Fernando, qui est avec nous et qui est le président de l'association des exilés politiques, 1961-1974, c'est le nom complet traduit de l'association, qui va nous présenter un peu l'initiative, j'imagine. Et on a aussi Rouille, avec qui on avait discuté aussi également la dernière fois, et qui va raconter son parcours de désertion à travers le Portugal, l'Espagne et même une partie de la France, si je me souviens bien. Donc voilà, je vais peut-être laisser la parole à Vašk ou à Fernando pour commencer, pour parler de cette initiative. Oui, en effet, donc nous allons présenter ce livre samedi prochain, donc le 21 mai, en local, en espace qui s'appelle Lusofolie, 57 avenue Dominil, Paris 12e, métro Gare de Lyon. Donc nous avons un programme assez riche pour cette présentation, puisqu'il y aura plusieurs personnes qui vont parler de ce livre, qui c'est un recueil de 22 témoignages, et aura aussi un débat. Donc il y aura une présentation du livre par Victor Pereira, historien qui est professeur à l'université de Pau, et il y aura ensuite un débat que nous espérons assez riche. Nous attendons à que l'espace soit plus que rempli, d'ailleurs. Et donc ce livre, c'est un beau livre, et que parle des... Les 22 sont des témoignages qui ne sont pas... qui sont assez différents, d'ailleurs, mais qui sont très émouvants parfois. Et que nous avons déjà présenté ce livre au Portugal, et les échos que nous avons sont des échos. D'abord, c'est un thème dont on ne parle pas beaucoup depuis 40 ans, 42 ans même, et qu'il y a eu le 25 avril 1974, mais qu'aujourd'hui, il y a un intérêt de la part de jeunes et des moins jeunes, ils ont besoin d'en parler. Je passe peut-être la parole Fernando, à Fernando Cardoso. Quelques mots sur ce oui, livre. Oui, merci, bonsoir. ce livre, c'est un livre, mais je vais en parler un petit peu plus loin, mais c'est surtout un projet qui date de le 25e anniversaire de 25 avril, quand cette idée a commencé à avoir un sens. À cette époque-là, on a présenté l'idée, moi-même et deux autres camarades, et personne on en a voulu, alors on a laissé tomber ça. Nous trois, on croyait que c'était une très belle idée, mais en fait, il y a, je sais pas, 20 ans de ça, c'était pas mûr, peut-être. Maintenant, subitement, il y a deux ans, l'idée a regagné de la force et on a pu produire 22, on a pu recueillir et produire et éditer et illustrer et mettre en livre 22 témoins, 21 écrits et un témoin chanté, parce que le livre a un disque de Tino Flores qui a été aussi immigré en France. Il faut dire que ces 22 témoins sont donné par des gens qui ont vécu soit en France, soit en Belgique, en Hollande, en Danemark, en Suède, et qui ont maintenu pendant ces 40 années des rapports d'amitié. Enfin, on était des militants de la même organisation, mais on a maintenu des rapports d'amitié, ce qui a permis de bâtir un réseau qui a pu produire ce livre dont Vasco a déjà parlé. Ce livre est profusément illustré. Il y a des témoins qui sont, au fait, je concorde avec ça, quelquefois émouvants. Et vous êtes tous invités pour demain, Lusofolie, boulevard Dominil, métro Gare de Lyon. Voilà. Bien. Tu veux rajouter quelque chose? Rien de particulier pour l'instant. C'est sûr que quand on m'a demandé de participer à cet événement, à ma manière, bon, j'ai tout de suite dit oui. Même si ce n'est pas évident, puisque ma participation principale, ça va être de chanter des chansons, parce que dans le temps, ça m'est arrivé de le faire. Et puis, comme on va être plusieurs chanteurs, il y aura trois guitaristes chanteurs qui vont chanter des chansons du Portugal. Moi, je me suis dit que, je suis quand même en grande partie de l'Angola. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Et que j'ai eu la chance, quand je suis arrivé au Portugal en 1966, c'est-à-dire un an après la disparition de la maison des étudiants de l'Empire, qui était une maison qui avait été créée en 1944 pour accueillir les étudiants qui arrivaient des colonies, parce que dans les colonies, il n'y avait pas d'université. Autrement dit, que les enfants de riches ou ceux qui avaient des bourses pouvaient aller faire des études au Portugal. Mais malgré tout, ils avaient des difficultés, donc il a fallu une maison qui les accueille où ils logeaient, etc. Où il y avait une activité culturelle très importante. Or, cette maison a été créée dans un premier temps par ce qu'on appelait à l'époque Mocidade Portuguesa, qui était ni plus ni moins que les jeunesses hitlériennes interprétées par Salazar. On avait tous un uniforme. Quand on était au lycée, on avait un uniforme avec un ceinturon. En plein milieu du ceinturon, la boucle, il y avait un S dessus. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire Salazar. Donc, la jeunesse, la Mocidade Portuguesa, gérait cet endroit. Or, très rapidement, les différentes directions de la Casa do Estudante Império a fait en sorte de se débarrasser plus ou moins des gens qui étaient liés à cette association pour voler de leurs propres ailes, ce qu'ils l'ont fait par moment. Mais très rapidement, la police politique, qui a très bien compris dès le début que cette Casa de Estudantes Império était un nid des révolutionnaires de toutes les colonies, puisque c'est quand même de cette maison qui sortent le Amílcar Cabral, qui a été le dirigeant du parti d'indépendance de Guinée-Cap-Vert, Agostinho Neto, qui a été le président du MPLA de l'Angola, Édouard Mondlane, qui a été le président du Mozambique. Donc ils ont compris ça. Alors je vous raconte tout ça parce que moi je suis arrivé un an après la dissolution de cette casa, qui a été dissoute en 1965, et comme par enchantement, je me suis retrouvé à fréquenter les bars qui étaient autour de cette casa au Arco do Cego, à Lisbonne, et j'ai donc retrouvé pas mal de gens, que même si la casa avait été dissoute, les gens continuent à être là, se réunir avec des projets de rejoindre les différents mouvements en Afrique ou de partir en Europe, etc., etc. Et j'ai eu la chance, donc j'étais jeune, j'avais 17 ans et demi, j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui s'appelle Rui Mingas, de qui je suis devenu ami, que j'ai accompagné pas mal dans ces... quand il allait faire des spectacles à droite, à gauche, au Portugal, toujours suivi de près par la police politique, qui lui disait, avant chaque concert, lui disait « telle et telle chanson, tu ne chanteras pas », notamment une des chansons que je vais chanter samedi à cette manifestation. Voilà, donc j'ai eu cette chance. Donc, quand on m'a demandé ça, j'ai appelé Rui Mingas en Angola, Il a 10 ans de plus que moi, il a 76 ans maintenant. Je lui ai annoncé ça, j'ai dit ça, voilà, il va se passer quelque chose autour des exilés, des déserteurs. Et on m'a demandé de chanter deux ou trois chansons. Et j'ai pensé que le plus logique, d'abord c'est celle que je connais le mieux, et le plus logique, ça serait que je chante tes chansons, puisque c'est quand même lui qui les a composées, même si ce sont des chansons avec des paroles de poètes, poètes révolutionnaires, on peut dire, de l'Angola. Oui. Et donc il a été tout à fait d'accord et il m'a même envoyé son dernier album que j'ai amené ici aujourd'hui. Voilà, donc ma participation, ça va être ça et pour moi c'est déjà beaucoup. Tu voulais dire un mot, Hugo, oui, avant qu'on passe juste, je voulais juste revenir au livre en disant que ce qui nous a intéressé, nous, à Mémoire Vive, c'est que d'une part, c'était une initiative qui est partie des propres déserteurs ou dénommés exilés, c'est-à-dire en tout cas des gens qui ont participé à cette désertion. Et puis que, et quand je dis autoproduit, c'est-à-dire que ça part de l'écriture des textes, de la traduction quand il y en a, de l'édition, de la mise en page, enfin c'est quelque chose, un travail assez lourd. Et d'autre part, c'était le fait que ces témoignages recoupaient un peu tout l'univers de ces déserteurs, pas uniquement en France, hein, parce que ça part de la désertion partout en Europe. Et du coup, on a à la fois des déserteurs, des insoumis, des gens qui parlent des passages des frontières, des gens qui expliquent comment ils ont été accueillis en France. On a aussi la voix des femmes, un rôle très important de soutien, notamment pour passer les frontières espagnoles, enfin entre le Portugal et l'Espagne, entre l'Espagne et la France, notamment. Et du coup, c'est ça, en lisant le livre qui est pour l'instant en portugais, Fernando, je pense que tu parleras peut-être des possibilités, en tout cas des envies de traduction. Ça donne vraiment une idée en fait de ce que pouvait être. Pas simplement la désertion en tant que telle, mais le monde de ceux qui désertaient et qui luttaient contre les guerres coloniales à l'époque. Mais le bouquin est en portugais, alors. Est-ce que vous avez prévu une traduction en français ? On peut peut-être demander. Oui, le bouquin est en portugais. C'est le début. Ça n'est qu'un début. Continuons le combat, comme on disait en 68. Il a une partie, un petit résumé en français et en anglais dans le livre. Mais c'était notre intention, je ne sais pas si elle va être possible, de le traduire en français, surtout en français, parce qu'en France, il y avait une communauté portugaise très importante entre les années 61 et 74. Et je pense qu'il y aura... Il pourrait être bien accueilli ici en France, je suis sûr, parce qu'il concerne vraiment les gens qui ont été ici et qui ont compris ce problème. Et je pense qu'il y a la possibilité de le faire. Alors, je donne tous mes voeux positifs pour qu'une traduction française soit possible. Nous, Association des Exilés Politiques Portugais, on est complètement disponible pour travailler là-dessus tant qu'il faut. Et à vous, les gens qui êtes ici, de relancer, de commencer, de dynamiser ce projet avec tout notre appui. Oui, c'est important. Hein. Je ne peux pas engager... Bon, évidemment, l'Union pacifiste à prendre ça en charge, c'est quand même un peu lourd. Mais en tout cas, à contribuer, à vous y aider, ça paraît très important. Quoi. On va passer à une petite pause musicale hein, que Pedro, notre musicien-chanteur, va nous trouver. Acceptez que le temps creuse les vallées. Acceptez que les sentiers soient détournés. Acceptez que les anciens soient effacés. Acceptez de sans cesse recommencer. Exploser des richesses de nos cités. Exploser quand il y a tant de pauvreté. Exploser des mots dont on meurt allumés, explosés. Quand on guérit dans nos contrées, refuser qu'un peuple soit exterminé, refuser qu'on le prive de liberté, refuser le mensonge et l'absurdité, refuser de se laisser manipuler. Accepter de ralentir en bout de vie, accepter que les papilles perdent l'esprit, exploser que de terribles maladies, exploser touchent les jeunes et les gentils. Accepter de vivre encore après ta mort, accepter d'en aimer un autre aussi fort, refuser la haine pour un désaccord, refuser de trahir pour un lingot d'or. Exploser, de vivre en quartier de partout, exploser, des tapes étroites, des guanadou, refuser, et taper mon cul, c'est plus doux, refuser, de se prosterner à genoux. Accepter, un jour de détacher les liens, accepter de prendre chacun son chemin, accepter de grandir avec le chagrin, accepter de pouvoir n'y comprendre rien. Exploser que l'homme est pourri, mère et terre, exploser qu'il continue dans l'atmosphère, exploser que l'argent gouverne la terre, exploser que des enfants fassent la guerre. Refuser de mijoter dans nos cocons, refuser de somnoler à nos balcons, refuser loin des bourrasques et des flocons, refuser enfin d'être pris pour des cons. Accepter que le temps creuse les vallées, accepter que les sentiers soient détournés, accepter que les anciens soient effacés, accepter de sans cesse recommencer, recommencer, recommencer, recommencer, recommencer, recommencer. Nous venons d'entendre Nathalie Solens qui nous a chanté encore une de ses très belles chansons que vous trouverez sur le disque de l'Union Pacifiste, des 50 ans de l'Union Pacifiste, avec nos amis chanteurs qui ont chanté bénévolement pour le soutien de l'Union Pacifiste. Alors, vous êtes toujours donc à l'émission Sévis Passem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Et nous avons donc nos amis portugais, anciens insoumis et déserteurs de cette époque coloniale des années 61-74, en gros, de colonisation assez terrible en Angola, qui est peut-être comparable à nos problèmes de la guerre d'Algérie, en fait. Alors, comment s'est créée cette association des exilés politiques, en fait, ce ne sont pas des exilés économiques qui ont créé cette association, ni des touristes. Vous étiez tous des jeunes à l'époque engagés contre le fascisme et le régime de Salazar. Alors, comment s'est créée en fait cette association des exilés politiques, Fernando, tu peux nous en dire un mot ? Oui, l'association date de 8 novembre de l'année dernière. On a senti la nécessité de créer l'association par deux motifs principaux. Un, c'était l'édition de ce livre. parce qu'on voulait faire une édition indépendante, disons. Et alors, on a mobilisé nos forces pour former une association. Et aussi parce que le thème de la guerre coloniale, en trois fronts de combat, Angola, Mozambique et Guinée-Bissau, surtout, le problème du fascisme en Portugal, le problème de la... du silence à propos de cette époque entre 61 et 74 nous a mobilisés pour former une association qui a comme objectif l'édition de ce livre, de produire tout, produire, appuyer, développer, créer tout ce qui est élément multimédia, textuel sur cette période. Et aussi, un troisième objectif, c'est de lutter pour la paix contre la guerre. Alors, ces trois objectifs sont les objectifs de l'association. Et une partie d'eux sont en train d'être compris, c'est-à-dire le livre, il est là. Le deuxième objectif, c'est discuter profondément ces questions. Nous, on a eu des présentations du livre depuis le 26 avril jusqu'à maintenant, 4 ou 5 présentations au Portugal. Et on a senti dans toutes les sessions que les gens veulent parler sur ce sujet, les gens ont des choses à dire sur ce sujet, oui. Parce que c'était un sujet qui est complètement silencié depuis 40 ans. Une partie, c'est dû au fait que les militaires qui ont fait la révolution le 25 avril étaient des militaires. Alors, les questions militaires, comme soit la désertion ou l'insoumission, est une question qui est passée directement sur le tapis et personne n'en parle. Et aujourd'hui, on sent dans les présentations du livre que c'est un sujet qui est chaud, très chaud. Oui, toujours maintenant. Toujours maintenant, exactement. Oui. Parce qu'il a été silencié pendant 40 ans. Et oui, et surtout parce que ce sont des militaires qui ont fait la révolution, c'est une des raisons, en fait. Exactement, oui. Je pense que c'est une des raisons. Parce qu'il y a des cas intéressants, par exemple, des gens qui ont été déserteurs, qui ont retourné au Portugal après le 25 avril et qui ont été emprisonnés. Oui. Par les mêmes militaires qui ont fait la révolution. Alors, c'est une contradiction très intéressante au point de vue social et politique aussi. Qui ne nous surprend pas trop, puisque c'était des militaires. Exactement. On comprend un peu cette situation. D'où l'intérêt de créer une association pour que tout ça soit discuté, vienne à la surface. Et l'association est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être déserteur ou réfractaire pour être membre de l'association. C'est une association ouverte, démocratique. Vous consultez notre site sur l'Internet, aep6174.org, et vous trouverez les conditions et beaucoup d'informations là-dessus. Oui. Pour revenir un peu au fond du sujet et au livre, je voulais juste rappeler déjà que, comme on l'avait déjà fait dans l'émission précédente, que si on parle de la désertion et si pour nous c'est important, la mémoire vive, c'est que le nombre aussi des déserteurs est extrêmement important. Hein. On parle des fois de 100 000, de 150 000. Tant que ça. Déserteurs et insoumis. Et j'ai même entendu le chiffre de 200 000. La vérité, c'est que c'est assez compliqué de comptabiliser. Oui. Donc ça s'échelonne quand même sur pas mal d'années. Exactement. Mais du coup, c'est un phénomène qui est important, au-delà même du refus de la guerre coloniale. D'autre part, pour revenir véritablement au livre et au témoignage, moi je voulais poser un peu la question plutôt donc à Vasco et à Fernando qui ont donc témoigné dans ce livre, un peu je voulais les interroger, disons, sur leur témoignage. Et il y a une partie que je trouve particulièrement intéressante dans le témoignage de Fernando, où il explique en fait comment il a été introduit et accueilli dans une maison qui située dans le 13e arrondissement, et comment la solidarité au sein de ce lieu-là s'est exprimée de façon collective avec des Français, des Portugais, et comment il raconte aussi des anecdotes assez j'allais dire croustillantes, mais disons assez drôles, parce que c'était évidemment, j'imagine, des périodes qui pouvaient être difficiles, mais c'était aussi des périodes de jeunesse et des périodes de lutte, quoi, de joie. Et du coup, est-ce que ça vous dit de parler peut-être de cette rue du Moulinet, de cette maison et de cet accueil? Oui. Alors, comme j'étais le premier, disons, occupant du 15 rue du Moulinet, je sortais de mai 68. Et donc, je militais dans le comité d'action de Paris 14e et j'avais rencontré des amis français et d'autres nationalités aussi. Donc, un couple ami a acheté une maison à cette période dans le 13e, rue du Moulinet. Mais ils devaient partir à l'étranger, ils allaient partir à Bamako, dans la coopération pour la création de la grammaire au Mali, la langue principale. Donc, ils m'ont proposé, enfin, on était deux, ils nous ont proposé de prendre la maison moyennement une location vraiment bon marché, quoi. Oui. Et donc, j'étais le premier, portugais. Je suis arrivé en France en 1961, juste au début de la guerre coloniale en Angola, juste quelques mois après. Et je suis ce qu'on a dit réfractaire. C'était la première fois que je disposais d'un espace aussi, aussi important. J'avais vécu dans des chambres de bonne, etc., surtout. Et j'ai commencé à accueillir donc des jeunes qui arrivaient du Portugal, qui hébergeaient, trouvaient du travail, trouvaient aussi un logement. Et c'est, de fil en aiguille que j'ai fait partie d'un réseau qui partait du Portugal, qui arrivait jusqu'à Paris. Et donc, l'aboutissement de ce réseau, c'était le 15 rue du Moulinet. Oui, exactement. Moi, je peux confirmer ça parce que je suis sorti du Portugal en 70 à travers ce réseau précisément. C'était un réseau déjà testé parce que avant 70 c'était très difficile de sortir du Portugal d'une façon sûre. Pas si on était des immigrants économiques, enfin on rentrait dans les réseaux normaux des passeurs, mais si on était un immigrant politique, il fallait d'autres questions. Alors, il y avait des gens, des camarades qui ont essayé divers réseaux, notamment trois réseaux de sortie du Portugal pendant les années de la fin de 69. Et qui, j'ai profité d'un de ces réseaux qui s'est terminé précisément 15 rue du Moulinet. c'était pas mal. Il y avait pas une carte, alors c'était pas marqué dans la carte, mais on s'est trouvé 15 rue du Moulinet avec monsieur Vasco là. C'était indiqué à travers le Portugal et l'Espagne, oui, et il y la avait, France, il y avait des, c'était marqué des, rue du Moulinet, exactement, ça faisait partie de la signalétique nationale des routes, des autoroutes aussi, c'était marqué partout 15 rue du Moulinet. Et alors c'était une maison, je dis dans le livre quelque chose comme c'était un comité, une maison d'accueil, une assemblée, une maison d'affectuosité. C'était un ensemble de choses où les gens, elles se sentaient bien, je pense. Tous les gens qui ont passé par Rue du Moulinet ont des mémoires positives. Même si des fois, c'était très difficile de manger, disons. on racontait des blagues et ça allait. L'autre jour, il y avait peut-être du pain et tout. Mais alors, le Rue du Moulinet, c'était vraiment un centre. C'était aussi un centre de politisation, il faut le dire, parce qu'on discutait, en Véroge et Staline et tout ce qui. On donnait des cours de marxisme-léninisme, enfin, des choses impensables aujourd'hui. Voilà. Oui, et il faut dire que. À cette époque, donc au début des années 70, 71, 72, nous avons été aidés par des amis français du 13e et d'ailleurs, et d'autres endroits. qui nous ont beaucoup soutenus et avec qui on discutait aussi politique, bien sûr. On n'était pas toujours tous, même les habitants du 15 rue du Moulineau n'étaient pas toujours d'accord. Très souvent, on était en désaccord même. Mais notre objectif était en effet lutter contre la guerre coloniale, affaiblir l'armée colonialiste et lutter contre le fascisme et changer de régime en Portugal et créer ce qu'on disait, nous, le communisme le plus joli au monde. voilà, c'était quand même, disons, c'est une utopie, bien sûr, mais bon, elle nous faisait avancer. Et nos amis français nous discutaient aussi avec nous et ils nous ont... permis même à un moment donné quand il fallait que quelques-uns partent ailleurs, en Belgique, en Hollande, etc., de passer les frontières de l'Europe à cette période. Oui. Il y avait un réseau pour ceux qui voulaient aller... Oui, qui pouvaient aller jusqu'à... Pouvaient aller jusqu'au Danemark, ou en Suède. Parce que ce qu'il y avait dans ces pays, notamment la Hollande, le Danemark et en Suède, il y avait la possibilité d'un soutien, un asile politique de l'État de ces pays. Ah, oui, qui permettait que certains puissent poursuivre leurs études. Et bien sûr, apprendre la langue du pays d'abord. Mmh. Et ce qui a permis pas mal d'ailleurs de d'être formé dans le sens d'avoir des diplômes. Et il faut dire aussi que dans ces pays, comme en France, il y avait aussi des immigrés portugais, ce qu'on appelle les immigrés économiques. Et notre travail politique à la pendant toutes ces années, c'était aussi créer des liens très forts avec les travailleurs portugais qui étaient dans ces pays, dans les associations, en faisant un travail culturel et tout au départ, même en remplissant les feuilles de l'assurance sociale, enfin, le travail de social, tout simplement. Et ça et ce qui nous a permis aussi de nous rencontrer beaucoup de jeunes qui étaient venus, qui ne voulaient pas faire la guerre, mais qui n'avaient pas une connaissance politique, disons. Oui. Ça a permis, une sorte de synthèse entre eux et les jeunes politisés qui... Beaucoup venaient de l'université, mais pas seulement. Ça a permis de créer une force importante et qui faisait des manifestations avec les amis des pays où ils étaient, en Hollande notamment, dans des comités contre la guerre en Angola, au Danemark et en Suède, et en France aussi. De manière à que on puisse dénoncer le régime et le pourquoi est-ce qu'il y avait autant de Portugais qui étaient obligés de venir travailler en France, que c'était pas une fatalité et que c'était le fait de l'exploitation dont ils subissaient dans le pays. Les fascismes au Portugal. Ouais. Heureusement qu'il y a eu des solidarités comme ça. J'avais juste une question par rapport à vos interventions. D'abord, par rapport à votre réseau, en tout cas le réseau dont Vache, qui était un des animateurs, et à la rue du Moulinet, à peu près, pour qu'on ait une idée, à peu près à combien de personnes ou de déserteurs vous évaluez à combien de personnes ont pu passer par cette maison, ont pu déserter en passant par cette maison? Plusieurs dizaines, mais des larges dizaines, dirais-je. Il faut dire que donc j'ai vécu dans cette maison à partir de, disons, septembre-octobre 68. Mais je ne suis pas resté dans cette maison jusqu'à 74. Bon, je suis allé ailleurs pour des raisons aussi de travail, ne serait-ce. Mais cette maison a toujours été, disons, un foyer actif, même après le 25 avril 1974. Ah oui, même après. Même oui, après, oui. Ça a été toujours, du point de vue culturel et des discussions, des idées, très fort. Il faut dire juste une chose, peut-être peut intéresser... Au temps actuel, c'est pas la même situation, mais on avait rue de Moulin, c'était un endroit. À Paris, il y avait d'autres endroits, et on avait un réseau qu'on appelait le réseau des comités de déserteurs, qui avait un travail spécifiquement sur les déserteurs en France, à Paris, à Grenoble, en Hollande, en Belgique, en Danemark et en Suède. C'était des groupes organisés à partir de notre travail dans les associations d'immigrants portugais, mais c'était disons, une raison séparée qui avait pour but d'appuyer d'une forme active la désertion de l'armée coloniale. Oui, oui, en effet. On peut même dire que la période, disons, de fin de 68 jusqu'à 71... quand il y a eu cette... le rue de Moulinet était très important. À partir de 71, ces comités ont été créés. Et je ne peux pas dire qu'ils ont... Enfin, on peut dire qu'ils ont pris le relais et qu'eux, ils organisaient l'accueil aussi des déserteurs et des réfractaires portugais. Donc, disons, c'était l'après... avant la création de ces comités. Et ces comités étaient liés entre eux, donc dans cette partie de l'Europe, enfin, je ne peux pas dire toute la partie de l'Europe, mais venait du Sud jusqu'aux pays nordiques. Moi, je voulais juste signaler que, bien sûr, il y a eu beaucoup de déserteurs qui sont partis du Portugal. Mais il ne faut pas qu'on oublie non aussi qu'il y a beaucoup de déserteurs des pays africains. Oui. Hein, de Guinée, Angola. Donc cela, malheureusement, ne rentre pas dans les comptabilisations qui ont été faites, parce qu'en règle générale, ils restaient dans les pays limitrophes. Hein, ceux qui désertaient, par exemple, de l'armée portugaise, puisque, de toute façon, l'Angola, c'était, on était des citoyens portugais. Ils allaient au Congo, hein, au Congo-Brazzaville, au Congo ex-belge, le Zaïre, ou alors, dans tous les pays limitrophes. Et pareil pour la Guinée-Bissau, où ils allaient en Guinée-Conakry. Et aujourd'hui, il y a énormément de descendants de ces gens, et c'est très difficile de vraiment, sauf si l'armée portugaise à mesure les a comptabilisés et notés quelque part, ou ce que j'ai su en règle générale, autant au Portugal, il y avait quand même une recherche de la part de la police militaire. Hein, dès que quelqu'un partait, la police militaire venait tout de suite dans les familles, etc., pour savoir où était la personne. En Afrique, il y avait une espèce de chape de plomb, on ne parlait pas de ça, ils étaient partis en brousse, et puis on ne comptabilisait pas ça. Voilà. Je peux peut-être donner une information là-dessus, c'est que il y a maintenant des chercheurs qui sont en train de travailler précisément les questions des statistiques de la désertion, de l'insoumission, à partir des archives de l'armée qui seront ouvertes seulement l'année de 2017. Oui. C'est pour ça que le numéro, jusqu'à maintenant, varie entre 110 000 et 180 000. Personne ne sait exactement combien. Mais ces chercheurs qui vont être présents dans un congrès le 27 octobre à Lisbonne, et ils promettent de donner des numéros fiables. Bon, c'est intéressant. Nous allons passer, Pedro, à une petite coupure musicale. fios feitos de lágrimas passadas. Os meninos do Ambo fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia. Soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras. E vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Com os nomes mais lindos do planalto, fazem continhas engraçadas de somar. Juntam fábula com flores e com suor, e subtraem manhã cedo por luar. Dividem chuva miudinha pelo milho, multiplicam vento pelo poder popular. Meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, sempre novas. Palavras deste tempo sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas. Que até já dizem que as estrelas são do povo. Porque meninos inventaram coisas novas. Que até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Assim contentes à voltinha da fogueira, soltam ao céu as estrelas já escritas. Novas palavras para fazer redações. Capango, Assis, bandeira ou machado. Para os meninos também são constelações. Constelações que brilham sempre sem parar. Palavras deste tempo sempre novo. Multiplicam vento pelo poder popular. Porque meninos inventaram coisas novas. Que até já dizem que as estrelas são do povo. Porque meninos inventaram coisas novas. Que até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Nous venons d'écouter les Meninos do Moambo de Rui Mingas. Une très belle chanson portugaise, je n'ai pas tout compris, mais vous pourrez nous en dire. De l'Angola. De l'Angola. C'est de l'Angola. Rui Mingas est un chanteur de l'Angola qui a mis en chanson pas mal de poèmes, de révolutionnaires poètes de l'Angola. Entre autres, Viriato da Cruz, qui a été un des créateurs du MPLA, du mouvement pour la libération de l'Angola. Oui. Et aussi, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de l'histoire de la Casa des étudiants de l'Empire, c'était l'animateur à l'époque, dans les années, début des années 61 jusqu'en jusqu'en 65, date à laquelle ça a été fermé. Et après ça, il a continué parce que, si vous voulez, il était sportif. Il est venu au Portugal pour faire du sport, d'ailleurs. Il était sportif. Il était, à l'époque, recordman de son hauteur au Benfica, ou je ne sais plus à quel club. Enfin, bref. Et il est devenu chanteur... copain de Zac Afonso, de tous ces gens-là. Il est devenu chanteur à ce moment-là, et avec des chansons, évidemment, qui étaient très percutantes à l'époque, que la police politique n'aimait pas du tout, hein, parce qu'il il parlait de l'exploitation des Noirs, de la guerre, etc. Et il a eu de grandes difficultés pour pouvoir poursuivre. Et ce sont des Portugais qui, un jour, lui ont donné la main et qui lui ont permis d'enregistrer au Portugal. Et maintenant, il habite en Angola. Il a été ministre, il a été ambassadeur. Et maintenant, il est paisiblement là-bas. Voilà. Une évolution mais intéressante. C'est un des grands chanteurs de l'Angola. Oui, oui. Alors, on va revenir un petit peu à ce que vous préparez pour samedi, oui. Puisque vous avez une réunion, je le rappelle, publique, hein, ouverte sur, oui. Oui. Sur votre, cette question des exilés. Oui. Alors, ce sera donc la présentation du livre « Exilés, témoignages d'exilés et des déserteurs portugais en Europe de 1961 à 1974 ». Il y a cette présentation, il y aura un débat. C'est un espace où on peut, n'est-ce pas, marier la nourriture spirituelle avec la nourriture terrestre. Un espace où on peut aussi goûter aux spécialités culinaires portugaises. Et bien sûr, nous sommes très contents que Rui Meirelles, avec Monsieur Pierre, participe aussi dans la partie ludique, donc ce que nous appelons au Portugal « musico vive », c'est-à-dire, en fait, ce sont des chansons engagées de 1960 à 1970, ces années-là, mais qui sont toujours actuelles aujourd'hui. Alors, dans le programme, dans cette partie de l'après-midi, qui va durer jusqu'à la soirée, il y aura aussi la projection d'un film qui s'appelle Le printemps de l'exil de José Vieira. C'est un film où il y a aussi plusieurs témoignages. Et dans la partie de la musique, donc je reviens où j'étais, il y aura un chanteur musicien qui s'appelle Joaquim Alberto. Qui a été d'ailleurs un militant révolutionnaire pendant cette période et qui a été prisonnier politique pas mal d'années au Portugal et qui a chanté, il accompagnait José Afonso, donc l'auteur de Grande Vila Morena, parmi d'autres. Donc, il y aura Joaquim Albert, il y aura aussi Arnaldo Franco. Arnaldo, c'est à l'époque un jeune déserteur qui, avec deux autres, Tino Flores et Ângelo da Silva, ont créé un trio qui s'appelait Os Camaradas et qui ont chanté dans toutes les parties, disons, de l'Europe. Il y avait des immigrés portugais et qui, leurs chansons étaient très engagées. C'était des créations, mais disons, malheureusement, Ângelo est décédé. Il était un auteur, compositeur, musicien. Mais il y a Arnaldo qui est toujours dans la région parisienne. L'autre ami, Tino, il est rentré au Portugal et il continue, toujours très actif. Bon, mais il ne pourra pas venir. Il y aura aussi donc quelqu'un que je pense qu'on connaît très bien en France et que nous aimons beaucoup, Dominique Range. Oui, Dominique Range. Oui. Dominique Range qui viendra chanter aussi quelques chansons. Il viendra aussi, oui. C'est sympa. Gentillesse. de venir présenter quelques chansons qui, quand elle a pris connaissance de cette publication, a tout de suite dit ça sera avec beaucoup d'enthousiasme et que je viendrai assister à la présentation du livre et que quand je lui on leur a demandé de chanter, elle a dit tout de suite oui. Et il y aura aussi Pedro Fidalgo. Notre ami Pedro, à la technique aujourd'hui, mais d'habitude dans sa vie, chanteur, musicien. Et cinéaste aussi. Et Pedro qui chantera aussi des chansons de cette période, mais qui a aussi des chansons qu'il a créées et qui est donc il pourra faire plaisir, je suis persuadé. Je vais revenir à Rui Merel. Il sera accompagné de Monsieur Pierrot. Donc, Monsieur Pierre. Oh là là, il va. Ben là, il ne m'écoute pas. Donc, que tu l'appelles Pierrot, c'est une chose, mais son nom d'artiste, c'est Monsieur Pierre. C'est Monsieur Pierre, attention. Et donc, Monsieur Pierre, c'est un artiste, auteur, compositeur, musicien, qui a déjà édité plusieurs CD et qui a beaucoup de choses à nous dire là-dessus. On lui a demandé s'il avait envie aussi de chanter. J'espère qu'il le fera pour notre plaisir. Oui. Si je peux juste rajouter quelque chose sur le programme, c'est ce qui nous, on va dire une la difficulté de présenter le livre ici en France pour nous, l'association Mémoire Vive, Mémoire Vive, c'est que le livre est presque uniquement en portugais, c'est-à-dire qu'il a le préface traduit en français et en anglais. Mais que, en tout cas pour l'instant, mais que le sujet est complètement déjà universel. Oui. À l'Union pacifiste, vous le savez bien. Oui. Et qui en plus, c'était une histoire qui concernait, on va dire, les Français, les Parisiens, les Portugais en France. Enfin, on peut élargir. Donc dans la soirée qu'on a organisée, enfin dans l'après-midi et la soirée qu'on a organisée avec l'AEP, donc elle s'organise en trois parties. Donc d'abord, il y a la présentation du livre, tel que Vachkou l'a expliqué. Après, il y aura une projection, qui est un film français, mais fait par un réalisateur d'origine portugaise qui a travaillé déjà beaucoup sur l'immigration portugaise. Et dans la programmation musicale, on a eu le même souci de mélanger à la fois des auteurs français, des auteurs portugais qui vivent en France. Et du coup, c'est vrai que un des exemples intéressants, c'est Rui qui va chanter avec son fils, Monsieur Pierre, qui avait déjà chanté ici la dernière fois en live. Oui. Et du coup, ça nous semble parfaitement dans la lignée de ce qu'on essaie de faire, nous, dans notre association. C'est-à-dire que le fils va chanter avec le père, qui a été déserteur, et vont partager cette mémoire autour d'un événement vivant. Voilà, je voulais juste signaler ça, que d'abord c'est un événement ouvert à tout le monde, en français. On peut vous inviter à y aller. Voilà, et c'est à partir de 16h30, donc au Lusopholise, qui est un espace qui se trouve 57 avenue de Ménil, donc métro Gare de Lyon. Voilà. Oui, alors j'espère que plusieurs camarades pourront venir. Je vais essayer d'ailleurs de venir vous joindre après notre travail, mais tu voulais dire ? Oui, mais Monsieur Pierre, lui, les chansons qu'il écrit et qu'il chante sont en français. Voilà, c'est ça le... Mmh. Il va m'accompagner, hein. Moi je chanterai en portugais, et ensuite lui il chantera en français. Voilà. De toute façon, nous serons quand même dans un milieu qui nous intéresse, nous les pacifistes, puisque ça me rappelle un peu des réseaux de soutien de l'Union pacifiste et surtout de l'International des résistants à la guerre, puisque d'une section à l'autre, nous avons évidemment contribué à aider un certain nombre d'insoumis et de déserteurs de plusieurs pays. Pedro, une petite chanson. Tu es deux ou trois personnes, en principe on baptise un monument, un boulevard ou une avenue. On lui donne généralement le nom des tueurs les plus connus. Un colonel, un général, dont le sang bon et sa peau chaude. Ça vous remonte le moral le matin pour partir au boulot. Mais je vois avec mélancolie qu'il n'y a jamais le nom de petit Louis. Entendre Petit Louis, un petit hommage à lui, le coin, chanté par Elisabeth. Une chanson qui nous est chère à l'Union pacifiste, bien sûr, puisqu'elle est en mémoire de ce cher Louis Le Coin, que les anciens dont je suis de l'Union pacifiste ont bien connu et qui nous a aidé à nous engager dans cette position pacifiste qui engage notre vie. Alors nous arrivons à la fin de cette émission. J'ai quelques petites annonces à vous donner. Pour ceux qui suivent les galas, les soirées de spectacle, notre amie Nathalie Solens, que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, qui est une amie membre de l'Union pacifiste, qui nous a beaucoup aidés et chanté souvent pour l'Union pacifiste, chantera donc lundi 23 mai à 20h au 20e théâtre. Hein, 20e théâtre, donc ça c'est important. Hein, je pense que c'est toujours un plaisir que nous avec plaisir que nous l'attendons. Il vaut mieux tout de même réserver au 01 48 65 97 90. Ce sera au 20e théâtre, 7 rue des Plâtrières, Paris 20e, hein, au métro Ménilmontant. Il y a aussi le bus, hein, pour ceux qui ont du mal à monter la côte. Vous avez aussi notre amie Fabienne Elkoubi, qui a chanté aussi pour l'Union pacifiste, qui nous donne un concert exceptionnel et vogue la tendresse. Avec Patrick Pernet au clavier, ce sera le jeudi 23 juin à 19h sur la péniche à quai, le Bali Alternate. Hein, c'est une péniche associative, hein, qui sera quai Saint-Bernard, Paris 5e, entre le pont Sully et le pont d'Austerlitz, au métro quai de la Râpée ou Austerlitz. Attention, le nombre de places sur la limite est limité, mais ça vaut la peine. Hein. Donc, réservation obligatoire au 06 03 66 38 92. Et enfin, pour ceux qui connaissent, bien sûr, hein, beaucoup connaissent Mousse et Musique, que nous organise toujours notre ami Patrick Kipper. Il va donner donc les samedis de juin des concerts à 17h30 à la librairie Publico. Publico, bien sûr, que vous connaissez certainement, 145 rue Hamelot, Paris 11e. Hein, c'est la librairie où vous pouvez trouver un peu tout ce qui peut vous intéresser au point de vue militant, avec Louis Capard le 4 juin, Rachel Solalme, pardon, le 11 juin, Béatrice Tan le 18 juin et Sabine Viret le 25 juin. Voilà, nous arrivons au bout de cette émission. Est-ce que vous voulez dire chacun peut-être en une minute un mot pour terminer là sur oui. cette émission intéressante sur les déserteurs et les insoumis portugais? En fait, quand vous avez parlé de Louis de Coin, moi, c'est mes premières lectures de Canard enchaîné. J'ai fait connaissance. Donc, ça me remonte quelque chose. C'était il y a longtemps. Je voudrais donc remercier, bien sûr, l'espace Lusophonie de nous accueillir. Et je voudrais remercier donc l'Union Pacifiste parce que c'est la deuxième fois que nous sommes ici, du moins mémoire vive, et qu'on parle de la désertion. Et vraiment, c'est un accueil, non seulement un accueil généreux, mais c'est aussi un accueil qui nous fait, qui nous donne espoir pour continuer notre utopie, disons. Oui, oui, c'est un peu notre fonction avec cette émission. Tu voulais rajouter? Ah ben, la désertion n'a pas été une utopie. Hein. C'est passé effectivement à travers le champ. Ce qui nous motivait aussi. Hein. Mais merci d'être venu à cette émission, parce que pour nous, c'est justement important de donner la parole à tous ceux qui ont refusé la guerre, et en particulier donc ces guerres coloniales qui sont toujours monstrueuses, et heureusement qu'il y a eu des hommes des femmes aussi qui se sont levés pour dire non à la guerre dans ces cas-là, et je pense que nous pourrons donc nous revoir, et je vous invite à participer à cette rencontre importante de samedi prochain pour soutenir nos amis portugais. Messieurs, mon âme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Messieurs, mon âme grand, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Des mères ont tant souffert, et d'autres se gambergent et vivent à leur aise malgré la boue de sang. Il y a des prisonniers, on a volé leur...